Vous êtes absolument répugnant. Oui, vous m'appelez, je suis répugnant. Mais à propos de Fontaine, par contre, j'ai une histoire de ouf. Quoi ? À l'époque, je kiffais grave un mec et tout. J'étais genre folle amoureuse de lui. Et mais genre, il s'était rien passé encore. Et en fait, j'étais à Rome et j'ai jeté une pièce dans la Fontaine de Trévi. Et je vous jure que mon rêve s'est réalisé et il a fini par vouloir me pécho. Bah on parle de fontaine et d'amour, je vous rappelle. Mais ça n'a rien à voir avec cette fontaine-là. C'est ce qui sort d'entre tes jambes. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Tu sais très bien de quoi on parle. Derrière la fontaine. Fais pas style. Mais arrête, fais pas style. Bon, allez, bon. Donc du coup, Tof, tu vas appeler les gens, tu vas leur demander s'ils ont déjà. Bah oui, et puis je vais leur dire qu'il faut pas avoir honte, que c'est. Évidemment. C'est une manière pour la femme de montrer qu'elle a du plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va, on appelle. Toujours grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs. toph@energie.com. C'est parti, on y va. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, je voulais savoir, est-ce que vous êtes femme fontaine ? Que quoi ? Est-ce que vous êtes une femme fontaine ? Pardon ? Ben, est-ce que vous éjaculez quand vous avez du plaisir ? C'est une blague ou quoi, là ? Non, c'est une question, madame. Non, il n'y a pas de question, là. Bah si, la question c'est, est-ce que vous êtes une femme fontaine ? Ah, allô ? Ah, et ben voilà, hop là, il ne va pas le savoir. Hein. Enfin, elle en l'occurrence, on rappelle. Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Ah ouais ? Ah bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, tu veux que je te coupe quelque chose ou quoi ? Non, je voulais savoir si votre femme elle est fontaine monsieur. Et toi, est-ce que tu veux savoir si je vais t'enculer dans pas longtemps ? Bah non monsieur, pourquoi vous voulez faire parce ça ? Déjà, tu parles pas à ma femme comme ça, d'accord ? Alors tes petits numéros de connard, tu les fais à quelqu'un d'autre. Bah c'est pas un numéro de connard. Tu veux jouer au show, tu me dis où t'es, je vais venir te voir de suite. Moi je suis à Paris monsieur. On va savoir qui c'est qui va mouiller ou qui va enculer l'autre. D'accord ? Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur ? Je comprends pas. Ah non, peut-être ça se dit pas, monsieur, c'est mon femme. Ferme ta gueule, sale merde. T'es qu'une merde de pervers de mes couilles. Mais pas du tout, monsieur ! Allô ? Oh, déjà raccroché ! Mais pas du tout, monsieur ! Mais monsieur ! Bon, allez, on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi, tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, c'est tourner le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Énergie, j'espère que toi bien ce matin, c'est Cédric. On est mercredi, c'est une nouvelle journée qui démarre là avec tous vos hits préférés. On va se faire The Prince Karma, Jérémy Frérot, Kaiser Panda, Dean Lewis aussi. Ça, c'est juste après le meilleur du Rico Show. Le Rico Show, c'est à 20h tous les soirs. Et là, Sarah Dubled était plutôt en forme lundi sur Énergie. Écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Sarah Dubled. Oui, carrément. Oh non, oui. Oh non. Excusez-vous. Oui, il est là, devant moi. Il m'a fait la drague, je crois. Oui, oui. Toujours aussi beau gosse. Ah, les dents, on dirait du parquet flottant, j'adore. Ouais, un petit look de poète disparu, j'adore. Ok. Je lui dis tout de suite, bisous. Ça va, Amir ? Et toi, ça va ? Oh là là, ça fait plaisir, oh les amis. Alors, c'était Karima le marchand, là, en ligne. Ah. Tu sais, la présentatrice de l'amour est dans le bled. Ah, d'accord. Du coup, alors, je viens en urgence, Amir, j'ai quelque chose à te demander. Je t'explique. En fait, on est en train de monter l'amour est dans le bled au bled. C'est comme d'accord. L'amour est dans le pré, mm-hmm. Mais les prétendantes, c'est mes cousines du bled qui cherchent un homme en France. Ah, oui. Okay. Un peu blindé. Elles n'ont pas vu l'esthéticienne depuis un moment, ça. C'est ça. Et du coup, je voulais reprendre ta chanson, ça c'est la bonne nouvelle, longtemps, pour être comme le générique, mm-hmm. Sauf que va falloir le modifier un petit peu, adapté à la sauce blend. Okay. Est-ce que t'es d'accord ? Bien sûr. On va l'enregistrer là tout de suite. À deux ? À deux. D'accord, j'ai même pas encore jeté un œil. T'inquiète pas, je sais que tu manies bien l'impro. Ah. Voilà, petite ambiance tamisée, s'il vous plaît. Petite ambiance amoureuse. On applaudit, oh. Sarah voilà. Dublin, d'André Cochon sur Énergie. Alors toi, tout ce qui est gras. D'accord, voilà. Tout ce qui est gras, ouais. Non, je vais pas dire ça pour toi. C'est pas pour lui. Ah, allez les amis, allez, on va. Est là de 20h à 23h tous les soirs et c'est un grand moment. Sarah Dublin avec Amir. Ah, j'adore l'ambiance. Ouh là là, Amir. Oh, il me fait la drague. T'auras des problèmes si avant le mariage tu trempes ton aime. Je veux que tu me balances au visage tes babouches, tes couches, que tu me fasses des macroudes. Je t'en prie, t'inquiète pas. Je veux que tu m'apprennes à utiliser ta carte bleue. Enlève tes mains de mes mamelles, attends le mariage. Je te présente mon père. Je pourrais me tatouer notre histoire au henné, me mettre Angela, bah me laisser michetonner. Si tu m'offres des bijoux, je te ferai un bisou. Pourquoi tu veux prendre ton temps? Je sais pas, comme ça. User tout mon compte en banque. Un jour je signerai tout à ton nom, je te demande gentiment de me faire une procuration. Tu veux un crédit sur 100 ans? C'est ça, sur 1000. Appelle Cofidis et t'élève. Même pas. Espèce de crevard, si tu veux ma chorba, tu payes. Envoie-moi un petit Western Union. Merci, tu m'as manqué aussi. Oh, exceptionnel. Bravo. J'avais l'impression de tomber amoureux le temps d'une chanson. Ah, ouais. T'as rallumé la lumière. Je l'ai vu en vrai. Il y a ce rêve bleu et ce cauchemar. Bleu aussi. Il est bleu, on est tous bleus. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate.

17h-20h. C'est Coé sur Énergie. J'ai 74 ans. Oui, ouais. Et je cherche l'amour. Bien sûr. D'accord. Il y en a encore là-dedans. Hein, je, mais attention, mais... Dédé veut de la gilet jaune. Ah, bien sûr. Il veut de la gilet jaune, il partage des idées, d'accord ? Et de la jeunette. Gilet jaune. C'est possible. Voilà, allez. On y va, c'est parti. Tu m'appelles, tu appuies sur le bouton ? La gilet jaune. Ouais, parti. Quelle ville ? Lille. À Lille, j'adore le Nord. Vive le Nord. Vive le Nord. J'ai vu. On a des gilets, hein, pas la culotte jaune. Allô ? Allô ? Oui, bonjour madame. C'est l'agence patrimoniale ? Oui, c'est bon, ça. Bonsoir madame, je m'appelle André. 74 ans, Lillois. Oui. Voilà, évidemment, je vous appelle, je cherche l'amour. C'est notre métier, vous avez... Eh bien, voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous appeler. Est-ce que vous pouvez m'aider, donc, dans cette recherche ? Bah, bien sûr, vous cherchez quel type alors, de personne. Alors, vous avez raison, c'est important. Je suis actuellement gilet jaune, comme beaucoup de gens dans la région. Et je veux par conséquent une personne qui partage les mêmes opinions, qui est gilet jaune. Oui, mais le physique, qu'est-ce que vous... Alors, écoutez-moi bien, madame, peu importe l'âge, peu importe le physique, je veux une gilet jaune. Voilà. Est-ce que vous avez dans vos dossiers cette demande précise ? Non, vous me prenez un peu au dépourvu. Parce que c'est important de partager les mêmes convictions. Oui, oui, c'est important, mais voilà. D'abord, est-ce que vous, il y a quand même, je sais pas, vous avez un âge, vous avez un physique particulier ? Non. Même si elle, peu importe l'âge, même si elle est d'un physique fort désagréable. On n'a pas de personne avec un physique fort désagréable. Vous devez avoir des moches, madame. De toute façon, ça ne me dérange pas. De toute façon, tout le monde est moche avec un gilet jaune. Donc, je veux, à la limite, voilà, ce week-end, si vous pouviez, ça me ferait plaisir, recruter pour moi sur un rond-point. Parce que ce week-end, je suis dans l'incapacité de le faire. Ah ben là, il va peut-être falloir qu'on se dépêche, parce qu'au vu de ce que vient d'annoncer M. Macron, il n'y a peut-être plus personne au rond-point ce week-end. Oui, oh, ça, vous savez, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que vous pouvez, oui ou non, madame, vous occuper de ça ? Ah ben, on ne recrute pas sur les ronds-points, monsieur, par contre. Bah alors, c'est comment je peux faire pour qu'elle soit tout le temps en gilet jaune ? Ah ben, il faudrait peut-être la rencontrer et lui demander si elle veut porter un gilet jaune. Non, mais ça, moi, si elle n'est pas gilet jaune, je ne rencontre pas si elle n'est pas gilet jaune. On ne va pas perdre du temps, ça ne sert à rien. Vous faites un petit casting, voilà. Un casting. Bah oui, alors il va me falloir l'âge, le physique. Peu importe. Gilet jaune. Ça va être problématique. Quand on sera ensemble, je lui ferai un tablier de cuisine en gilet jaune, un peignoir de bain en gilet jaune. Pour les coquineries du soir, je veux qu'elle mette de la lingerie. En gilet jaune. Voilà. Bien et sûr. Là, et si on se marie, En gilet jaune, voilà. Alors là, c'est problématique. Vous risquez, s'il y a des CRS qui passent, vous risquez de finir au poste le madame, jour où vous êtes mariée. Le jour où je vais décéder, je veux qu'on me mette dans le cercueil en... En gilet jaune. Non, en costume, il y a des limites. En costume. Faut pas déconner quand même. Je vais être présentable quand même, non. Non, mais là, vous êtes dans une vraie agence matrimoniale, monsieur, si c'est pour une plaisanterie. Non, madame, parce que j'ai déjà trouvé des préservatifs en gilet jaune. J'ai eu du mal à les trouver. Ah, ça devait être compliqué, en effet. Très compliqué. Là, voilà, donc je compte sur vous pour me trouver quelqu'un, d'accord ? Oui, mais là, je pense qu'on... Même un garçon, je m'en fous. Tant qu'il porte un... Un gilet jaune. Voilà. Elle est pas gentille, elle est terriblement patiente. C'est incroyable, vous êtes d'une patience, mademoiselle, madame, je sais pas. Mademoiselle. Mais elle est incroyable. Je m'appelle Coé. Nous sommes sur Énergie. Vous pouvez applaudir cette demoiselle. Oh. Parce que elle est d'une. Gilet jaune. Faut danser le petit. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. À l'aube du grand tournant, non, il n'est

Siente el ritmo, mamita. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Que lo que, un, dos, tres, go. Que lo que, calle anda. Que lo que, rap que tiempo moler. Énergie, salut la France qui se lève très tôt, hein, beaucoup trop tôt d'ailleurs. La playlist Énergie là pour bien vous réveiller ce matin. On va écouter pour la suite Avamax, sur Si Angèle, David Guetta et Panique de Disco. Et là c'est le meilleur de Mickaël, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie. Et Mickaël nous a emmené début de semaine à Mons, visiter le commissariat de police de Mons. Il y a des petites pépites, écoutez, c'était sur Énergie. Nous allons donc faire le tour du côté de la police de Mons avec un contrôle également aujourd'hui, un contrôle à la sortie du festival de Dour. Et arrive la championne toute catégorie. Mais allez, mais on roule pas avec un véhicule sans marche arrière, hein, madame. Et quand vous devez reculer, si vous allez dans un cul-de-sac, vous reculez plus, vous bougez plus. Mettez-vous en face, madame. Lancez une marche avant. On va aller. Donc, la meuf a quand même passé le permis. Enfin, en tout cas, elle l'a passé, je sais pas, mais en tout cas, elle l'a. Oui, donc, oui. Marche arrière, c'était toujours compliqué. Hein. Mais bon, il semble qu'il n'y ait pas que la marche arrière qui a un problème. La conductrice aussi n'est pas en pleine forme. Je te jure, t'es... Je suis pas ici pour faire un jogging à cette heure-ci, madame. Hein. Moi, je suis là pour faire un contrôle routier. Vous n'avez pas de marche arrière et après, vous avancez, vous vous garez à je ne sais pas combien de mètres. Allez, maintenant, vous allez... Ah, maintenant, on va être calé. Demi-tour, ici, ça va pas le faire en une fois. Ah bah non. C'est un sketch, ce gars, mais je l'adore. C'est tout le temps le même, on est d'accord. Ah oui, c'est toujours le même, ouais. Logique, bon, on va faire le contrôle là, du coup, parce que le mec, il a pas envie de courir, normal. Hein. Vous n'avez aucun document, votre permis de conduire, vous l'avez. Vous avez votre permis de conduire. Ouais, écoutez, je l'ai pas ici. Ah bah non, bah, elle l'a pas ici, elle va nous faire chier, le monsieur, là, avec son képi, là. Hein, bon, elle a quand même sa carte d'identité, hein. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Quelle identité il y a ici? C'est vous? Non, c'est pas vous, ça. Vous avez changé, hein. Oh. Pardon? Vous n'avez plus de lunettes. Et vous avez un peu plus de piercing. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, évidemment. Et donc maintenant, il est temps de poser la vraie question, hein. Donnez-moi les documents de votre véhicule, madame. Vous les avez pas? Vous avez été au festival. Qu'est-ce que vous avez consommé au festival? Vous avez encore des canettes de bière dans votre auto, ça a à voir avec ça? Non, non, elle a pas l'air très, non, très clean. C'était d'une autre fois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, bien évidemment, elle n'a presque rien bu. Hein. Elle ne prendrait pas la route avec ses bien enfants, sûr. Sinon... Vous avez bu combien de bières, madame? Vous avez de la bière sur vous? Sur moi, non. Si vous sentez fort la bière. Excusez-moi. Voilà, vous sentez fort la bière, hein, vous imaginez quand même. Hein. C'est pas le parfum, c'est la bière. Et bon, effectivement, elle a presque rien bu. Je comprends même pas pourquoi les flics la font souffler. Hein. La conductrice se voit retirer son permis, car elle est 4 fois au-dessus du taux légal. Voilà, 4 fois, mais de toute façon, retirer un permis qu'elle n'a pas, donc de toute façon, on n'est pas plus avancé. Et donc 4 fois, ça veut dire 0,25 x 4, la meuf, elle a 2 grammes. Non, oui, c'est ça, oui. De bière, hein, donc c'est qu'il faut teaser quand même pour arriver à un taux pareil de bière. Hein. Donc notre flic, évidemment, il sait plus quoi faire. On passe la plaque, elle est en défaut de contrôle technique, elle a donc pas de document d'assurance, elle est positive à l'alcoolémie après 2 grammes dans le sang. Ah oui. Moi, je sais pas ce qu'on peut faire. Et à part ça, c'est nous les mauvais. Et dans le véhicule, il y a des enfants. C'est vraiment scandaleux, pauvre gosse, quoi. Et donc, pas faire de marche avant. Et de marche arrière. Enfin, marche tu me diras, marche avant, ça n'a pas l'air très facile non plus, hein, tu me diras. Mais ouais. C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est dingue. Non, mais franchement. Du festival. Il faut quand même. Je sais que c'est un policier belge et qu'on est plus diffusé en Belgique, mais bon, au final, si, parce qu'à Mons, il doit y avoir Énergie Valenciennes qui va jusque-là, donc on est un peu diffusé là-bas quand même. Ce serait quand même bien que ce monsieur. On essaie de le joindre pour qu'il passe dans l'émission un soir. Non, parce que je pense qu'il peut nous en raconter. Parce que je pense que dans l'émission, ça doit être coupé. Tu vois, il y a plein de trucs qui doivent pas passer dans l'émission de télé dans laquelle on récupère tout ça. Mais ce serait énorme qu'il passe à la maison, quoi. T'imagines? Le mec, il en aurait des trucs à dire. Bon, toi, tu vas gérer ça? Je vais essayer de le retrouver. En plus, quand tu connais bien l'animatrice, non? C'est vrai, c'est vrai. Ah bah voilà. Mais d'ailleurs, elle a eu une promotion, elle va arriver sur une chaîne française bientôt. C'est pas vrai. Ah bah voilà. TMC. Eh bah voilà, parfait, on aura plein d'extraits en exclusivité, j'espère. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. If you're Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. C'est Cédric sur Énergie. Bon réveil tout le monde. Alors si vous avez la tête un petit peu dans les nuages là encore au réveil, ce qui est normal vu l'heure, sachez qu'on va passer Angèle dans la playlist Suprême Énergie. Si derrière justement c'est la playlist Suprême Énergie, vous appelez Énergie 3937, vous gagnez la somme folle de 50 000 euros. Ça pourrait être très très cool. Angèle, maintenant pour vous sur Énergie, c'est juste après le meilleur du Rico Show avec le bail du jour. C'était lundi sur Énergie. Écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Eh oui les amis, ça y est, ça vient de tomber, 730 000 personnes l'ont fait durant une minute et le font tout le temps, à chaque minute, ils font la même chose, à votre avis, quoi, on en parle JM? Je pense qu'ils se brossent les dents. Ah, non, sinon il y aurait moins de pièges à loups, n'est-ce pas Sylvain? On aurait des dents propres dans l'équipe, c'est pas le cas. Leurs besoins par exemple? Non, pas du tout, pas du tout, on n'est pas là-dessus. Sylvain? Un herpès. Un herpès, d'accord. On sent vraiment que l'hygiène est à son comble. Entre le piège à loup et l'herpès, 730 000 personnes sont en train de choper l'herpès. C'est pas ça, JM. Je sais pas, ils se coupent les ongles des pieds. Ah, il y a quelque chose. Ah, JM. Bravo pour ta connerie. Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas, ils s'embrouillent avec leur conjoint. Ils s'embrouillent. Ah, on commence ça. À parler de toi là tout de suite. Dès lundi, 20h10, on met ton couple sur la table. Ça y est, ça démarre bien. C'est Christelle ça. A fait le 0800 70 42 48. Ça va, Christelle? Salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va ma Christelle. Alors Christelle, elle est de Béziers, elle est donc bitéroise. Je vous le dis, il y a un indice chez les bitérois. Ah, voilà, il y a un petit indice sur ce qui peut se passer. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Non, c'est pas le rugby. Christelle, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'elles font ces 730 000 personnes chaque minute au même moment? Je pense à écouter la musique. Non, non. Et d'ailleurs, Savage nous dit hashtag Ricocho sur Énergie. En tout cas, ils n'écoutent pas le Ricocho. Pas encore, ils ont bien tort. Sarah? Bah, t'as dit bitérois, donc ça a un rapport avec le zizi, ils font l'amour. Ouais, ils font l'amour. Oh. Il y a 730 000 personnes qui font l'amour chaque minute. Voilà, là, ils sont en train. Ça se trouve en écoutant le Ricocho. Bon appât à vous. Christelle, est-ce que c'est ton cas? Non, ça va, il n'y a personne Mais à côté. Non. Non, ça va. Non, il est au travail. Tout à l'heure. L'émission finit tard, t'inquiète pas. Non, mais c'est énorme. Et moi, faut pas qu'il me mette dans le sondage. Je vais faire chuter la moyenne. Tu es prise en compte et ça a bien chuté. Il faut savoir que la nationalité qui fait le plus l'amour, là, durant la minute dont on parle, hein, puisqu'ils sont 730 000, c'est les Grecs. C'est les Grecs, comme quoi l'expression va te faire voir chez les Grecs. vraiment celle qu'on parle. Non, mais c'est ouf. En deuxième, on a les Brésiliens. Et puis nous, on est autour de la 11e place lorsqu'il s'agit de fournir ça. Ouais. On est nuls. Avec des meufs comme toi, Sarah. Christelle, tu fais monter la moyenne, toi, ou tu la fais baisser? Oh, moi j'en fais monter. Merci pour ça. Et pas que la moyenne. Oh non, c'est pas beau. Ça c'est pas beau, mais ça fait rien. Sylvain. Ah ben on est deux, hein, parce que moi aussi je peux te dire. Ah oui, toi tu l'as fait monter, toi tu fais monter la moyenne des maladies. Presque chaque minute, hein, vous chopez des maladies. Et Christelle, j'ai un chiffre complètement fou, hein, puisqu'on a eu d'autres chiffres à part ça, mais vous savez que ça m'intéresse toujours. Oui. Hein, mais il faut le savoir, il y a 416 666 tonnes de glace qui disparaît à chaque minute dans le pôle sud. C'est énorme. Donc quand on sait que ça se transforme en flotte, c'est vous dire le réchauffement. Quoi. Moi, ça m'a. Attends, 416 000 tonnes par minute. C'est-à-dire depuis le début de l'émission, là, il y a à peu près quasiment, on est quasiment à 5-6 millions de tonnes là déjà. Il est énorme le pôle sud. C'est énorme. Ah, il est énorme, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'eau, on va la prendre dans la gueule. Quoi. On va voir la tienne, ça, béton. Ah non, mais attends, Christelle, c'est ouf ça. Mais franchement. Ils pouvaient pas faire ça à l'époque du Titanic, ça les aurait sauvés. Il y aurait c'est vrai, et puis il y avait de la place sur la planche. Ouais. Non, mais moi, je vous le dis, il y avait de la place sur cette planche. Non, mais c'est ouf ce chiffre. Hein. Complètement ouf, il fait halluciner. Et puis en parlant, vous savez, des rapports sexuels qui se multiplient, puisqu'on est là-dessus, je suis tombé sur ça.

Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, un petit peu plus de 5h, c'est Cédric, on est le 12 décembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien, on va écouter Sia dans la playlist Énergie, derrière ce sera Calvin Harris. Et avant de le retrouver en direct dès 6h tout à l'heure, oui, celui qui va doubler votre salaire à 7h05 et 8h05, ça va être cool. Inscrivez-vous énergie.fr, voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, chaque jour appelle quelqu'un quelque part. Et aujourd'hui, Georges a décidé d'appeler un restaurant pour lui dire que sa cuisine n'est pas bonne. Oh. Mmh. Mais le petit plus, c'est qu'il n'appelle pas un restaurant, mais une station-service. Ah. Et que la personne en face ne comprend pas. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Un client de votre restaurant a pensé que vous devriez le savoir, votre cuisine est mauvaise. Vous êtes dans une station-service, là, monsieur. Vous bâclez vos entrées, vous ratez vos plats. Et vos desserts n'ont pas de goût. Non, attendez, vous êtes dans une station-service. Vous n'êtes pas dans un restaurant du tout. Faites un effort, pensez aux clients. Non mais attendez, je ne fais pas de restauration. Vous êtes dans une station-service, on doit y avoir un problème avec l'appel. Il y a plus d'huile que de pommes de terre dans vos frites. On fait pas de frites, on est une station-service. On vend de l'huile, mais de l'huile dans les voitures. N'oubliez pas que dans Café Gourmand, il y a le mot gourmand. Mais on fait pas de café gourmand non plus, on fait pas de restauration, je vous dis, on est une station-service. Votre cuisine est mauvaise. Mais je ne cuisine rien, monsieur, je vends de l'essence. Prenez nos remarques en compte. C'est ça, on cuisine à l'essence. J'en avais un petit peu marre. Ouais. En même temps, moi j'aurais raccroché dès le premier mot. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Judge what I'm doing.

Salut à vous qui vous réveillez quand même super tôt. Bon courage pour réveiller, c'est Cédric sur Energy. On va écouter Drake pour la suite, Jonas Blue aussi. Et celui qui peut passer, pourquoi pas, tout à l'heure, la playlist Suprême Energy avec Angèle, Marshmello, Big Play, Oli, Marnik et Smack et 3 cafés gourmands. Si c'est le cas, Play Energy 3937. Manu dans 6-9 sur Energy vous offrira dans ce cas la sample de 50 000 euros. Il arrive en direct dès 6h et d'ici là, voici le meilleur de l'émission sur Energy. Bon réveil. Manu dans le 6-9 sur Energy. Bienvenue dans le 6-9 de Manu. Bienvenue dans le 6-9 de Manu. Energy vous souhaite un joyeux Noël. Tout de suite, on vous prend au téléphone au 0870 70 42 48. Vous nous racontez une histoire et un moment vous arrêtez et vous nous dites, d'après vous, est-ce que ça s'est terminé au lit? Ouais. J'adore ça. Surtout quand ça se termine au lit. Bah, on s'en doutait. Elena, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les moins. Salut. Coucou. Bienvenue sur Energy, on écoute ton histoire. Alors voilà, moi le jour de son emménagement, j'ai mon voisin qui est venu me demander s'il pouvait réchauffer ses pâtes au micro-ondes chez moi. Donc je lui ai proposé de rester à dîner. Et d'après vous, ça s'est terminé au lit. Oh, c'est rapide, hein. Un nouveau voisin qui arrive avec un truc à réchauffer au micro-ondes, bim, au lit. Ouais. Allez, ouais. Alors, j'ai un pote, moi, il était spécialiste des voisins, c'est très bizarre. Ouais. Ah ouais. C'est, oui, depuis il est rangé, mais à une époque, vraiment, il sortait avec toutes ses voisines. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable, c'était son truc. Donc je me dis, peut-être que c'est lui, avec un peu de chance d'ailleurs. Ouais. Et là, moi, je dirais, oui, ça s'est terminé au lit. Normalement, tu le fais pas en guise de bienvenue, quoi, t'attends quelques jours. C'est un sacré bienvenu quand même. Ah ben, ouais. Elena, quelle est la réponse? Eh ben, moi, je suis une hôte d'accueil. Et Manu, c'est peut-être ton ami qui est venu manger ses pâtes chez moi. Ah oui. Ça s'est terminé au lit? Oui. Mais alors, est-ce que ça s'est terminé au lit cette fois-là? Ou alors, est-ce que vous avez remis le couvert? J'ai envie de dire, quand on parle de nourriture. Disons que mon micro-ondes chauffe bien. D'accord. Très bien, belle histoire. Mais lui, il n'est pas allé le lendemain aux autres portes, justement, voir les autres voisins, non, pour voir si l'accueil était le même. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Elena. Florent, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Energy, Florent. Quelle est ton histoire? Alors moi, Manu, j'ai loué ma chambre sur Airbnb pour la première fois, et j'ai une randonneuse belge qui est arrivée avec sa valise et ses chaussures. D'après vous, c'est terminé au lit ou pas? Avec sa valise et ses chaussures. Bah, on sait bien déjà qu'elle ait une valise et des chaussures. Bah, voilà. Ouais. Elle était pas pieds nus, quoi. Ouais. Elle était pas de chez nous. Non, pieds nus. Ah, pardon. Elle était pas de chez nous. Ouais, les Belges, ils sont pas de chez nous, ceux-là. Avec leur accent bizarre. J'avais compris, elle était pas de chez nous. Elle était pas pieds nus, effectivement. Ouais. Ah ouais. Une randonneuse qui arrive chez toi en Airbnb, est-ce que ça s'est terminé au lit? Assez délicat. Hein. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est limite trop facile. Je pense qu'on est resté pro, quoi, professionnel. Ouais, ouais, avant tout, évidemment. Nos in job. Ouais, exactement. Florent, on va dire non, ça ne s'est pas terminé au lit. Alors non, elle a voulu, mais c'est moi qui ai dit non. Ah ouais, incroyable. Parce que t'es professionnel ou alors que c'était pas... Voilà, Non, parce que j'ai 23 ans, elle en avait 43. Et... Ah oui. Ah bah oui, justement. Ah, l'expérience, ah ouais. Alors moi, excuse-moi, mais à 23 ans, Florent, franchement, une femme de 43 ans... Toi, t'aurais dit oui. Bah oui. Sur le CV. Ouais, là, tu coches la case, quoi. Ah oui. Ah ouais. Ah non, mais à 23 ans, une femme de 40 ans, tu te dis, mais elle va tout m'apprendre. Ah ouais. Ah là là. Ou alors peut-être qu'elle t'aura appris juste la randonnée, là, c'est évident. Ça se tente. Merci de nous avoir appelé, Florent. Amélie, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Salut. À toi, on écoute ton histoire. Alors au bureau, j'avais souvent contact avec le comptable par téléphone. Le comptable par téléphone. Ouais, et je savais pas qui c'était. Comme c'est une grosse boîte, on avait un très bon feeling. Et du coup, un soir, il m'a invité à boire un verre. D'après vous, ça s'est terminé au lit? Ah, c'est drôle ça. Mais tu sais que ce genre d'histoire, ça arrive régulièrement. En fait, dans les grosses boîtes, t'appelles des gens qui sont dans un autre service, mais même limite, même pas dans le même immeuble. Tu les as tout le temps au téléphone, mais tu ne vois pas. Il y a un truc qui passe. Ouais, je pense que tu fantasmes un peu sur l'autre et tu t'imagines des trucs, donc pourquoi pas, quoi. Ah ouais? Est-ce que ça s'est terminé au lit avec le comptable? Est-ce qu'il y a eu un ou alors juste un tableau Excel entre vous deux? Tu sais quoi, Amélie? On a envie de dire que ça s'est terminé au lit. Ouais. Allez. Eh ben non, il m'a pas plu du tout. Ah, il avait une très belle voix et c'est tout. Ah d'accord. Oui, mais du coup, vous êtes quand même. Vous avez continué à vous appeler au téléphone? Ah oui, obligé. C'est bon, Amélie, on ne posera pas d'autres questions. Et on embrasse tous les comptables. Merci de nous avoir appelé, Emily. Belle journée à toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Got to be real with it. Yeah.

that moving. All my friends are leaving me behind. I didn't wanna catch a feeling. There was something in that flesh. Et bienvenue tout le monde, bonjour, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Énergie, ça va ? Météo. Bon, on est mercredi aujourd'hui avec du soleil sur les côtes de la Méditerranée, du gris, voire des averses pour les autres régions, notamment dans le sud-ouest. 0 à 7 degrés pour les températures ce matin, cet après-midi ça se couvre au sud, ça se découvre en Alsace, en Lorraine. Les températures max, 4 degrés à Strasbourg, Nancy, Lille et Le Havre, 7 à Paris, Limoges et Lyon, il y aura 10 à Rennes et Toulouse, 13 degrés à Bordeaux, Montpellier, Marseille et Nice. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie dès 6h et vos hits préférés, la playlist Énergie avec Soprano. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première sacelle. Maintenant au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, là c'est dès 6h, le temps d'écouter Gillo pour vous tous. Gillo sur Énergie, Lady Gaga, et avant de le retrouver en direct, c'est le meilleur de l'émission, le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9. C'est Manu. Énergie. Nous allons appeler Nicolas, il habite Ilzac, c'est dans le Haut-Rhin, il a 30 ans et il touche 1970 euros chaque mois. Nicolas, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Nicolas. Oui, allô. Allô, Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour, Nicolas de Ilzac dans le Haut-Rhin. Oui, c'est ça. J'ai une question à te poser, c'est pour ça que je t'appelle ce matin. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Oh putain, c'est Manu sur Énergie. C'est moi. Et voilà Nicolas, c'est oh, fait. Manu. Oh, je te kiffe. Oh là là. Oh. Oh. Bah, ouais. Qu'est-ce qui nous arrive, dis-moi. Oh là là, ça c'est pas vrai. Oh, non. Ok, nickel. Waouh, waouh, waouh. Ça va? Ouais, ça va, nickel, impec. Ah, c'est dingue. Ouais, super, c'est pas croyable. Oh là là. Okay. C'est vraiment Manu, c'est Manu sur Énergie. Ah oui, oui, c'est Manu sur Énergie. Oh là là, les gars. Oh, ouais, l'effet que tu lui fais, ça faisait longtemps. Ah, ouais, c'est bien, nickel. Fait... Ah, je suis content, je l'écoute tous les matins en plus. Ça, c'est nickel. Je vais attendre, c'est Manu sur Énergie. Oui, c'est ça, ok, ah ouais. Nickel. Oh là là, ok. C'est génial. C'est un peu gênant, mais je prends, c'est de l'amour. Ah ouais. Ah. J'ai mal à y croire, oh là là, c'est vrai. Oh, vous êtes genre, je vous adore, vous êtes géniaux, je vous adore. Oh my god. Trop mignon. Yeah. Nicolas, remets-toi oui. Tes émotions. Ouais. Je t'annonce qu'on va doubler ton salaire. 1 970 € × 2, ça fait 3 940 € pour toi. Oh là là, nickel, merci, hein. Merci beaucoup, hein. Oh, c'est cool. Ah, il est, Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on se dit, Nicolas est émotif. Alors, et quand tu connais son métier, c'est drôle parce que Nicolas est surveillant pénitentiaire. C'est-à-dire que j'imagine Nicolas, il est tellement émotif qu'il y a un mec qui arrive en prison, il fait, oh non, c'est pas vrai, oh non. viens dans mes bras, on va sortir de là, on va tout faire pour toi. Oh non, oh non. C'est mignon. Ah bah ouais. Oui, c'est trop mignon. Non, mais c'est... Un peu, hein. Ah oui, bah quand on t'imagine pas comme ça dans l'émotion dans ton travail, quoi. Ah bah non. Donc c'est long. Il y a aussi de l'émotion dans le boulot aussi, dans le métier que je fais. Hein. Mais j'imagine bien. Ouais, c'est clair. Vu comment il est émotif, j'espère qu'il ne sait pas ce qu'on fait des gens qu'il surveille. Parce que sinon, c'est flippant. Ah bah si on sait quand même. Ouais. Ah tu sais. Ouais, bah oui, ouais. Tu sais à chaque fois pour quelle raison quelqu'un vient en prison, quoi. C'est ça, ouais, on est quand même obligé de savoir ce qu'il fait. Mais mine de rien, ça doit être dur parce que en fait t'es comme une éponge. Tu prends tous les vachement de trucs dans la figure, quoi. Ah oui, c'est clair, ah oui, là il y a tout, ouais, c'est clair. Wow. Ah ouais, bien sûr. Wow. Mais bon. Non, c'est un beau métier. Franchement, au-delà de ça, c'est quand même un beau métier, hein, humain quand même. Ah et ouais. Et bah, oui, non, j'imagine. Et vous arrivez quand même à vous détendre un peu, à faire des blagues, à déconner, à. Avec les détenus. Oui, avec les détenus. Ah oui, bien sûr, ouais, encore heureux, bien sûr. Genre, par exemple, vous déconnez ensemble, vous allez dire non, je t'ai pas ouvert ta cellule. c'est drôle, ça. Ah, quand même, vous arrivez comme un salé. Non, parce que quand tu regardes dans les films américains, t'as pas l'impression que ça plaisante hein, dans la prison. Non, ouais, oui, c'est différent comparé à chez nous en France, c'est quand même différent chez eux. Hein. Nous, on est quand même au contact des détenus, on est constamment avec eux tous les jours, quoi. Donc, non, on est obligé de rigoler avec eux. Voilà, quand même. Est-ce que des fois vous intervertissez, genre, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est mardi, c'est nous en cellule, vous dehors. Conne pas, non. Ah, d'accord, ok. Non. Franchement, vous poussez pas la déconne beaucoup. Hein. Nicolas, on te double ton salaire. 3 940 €, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Ah, magnifique, merci l'équipe. Hein. Vous êtes géniaux, merci. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast, out of world without the peace. Face a bit of the truth. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're

Bah mon stylo. Ah cool, c'est bon, merci. Merci Anka. Ah nickel. Voilà. Non, j'ai pas besoin de stylo. Ah voilà, ça m'étonnait aussi. J'étais lourd. Excusez-moi. Soyez les bienvenus. Hein. 5h55, soyez les bienvenus. Nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est le 12 décembre. C'est Manu dans le 6-9. On démarre l'émission dans 5 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour, 5h55, c'est le club du 5-5-5. Notre petit moment à nous. Oui. Alors que les autres vont se lever peut-être. Et peut-être qu'ils vont se lever dans 3 minutes. Ouais. C'est con. Ah, je pense à ces gens-là qui, tous les jours, mettent leur réveil, par exemple, à 5h57. Ouais. Et qui ne connaissent pas ce moment-là. Ça, ce petit moment-là, tellement intime entre nous, tellement important, le club du 5-5-5 à 5h55, où on est entre nous, j'ai envie de dire où on est entre nous, libre. Ah, ouais. C'est beau. C'est vrai, non ? Libre, bravo. Bien. Détendu. Ouais. Si on a envie de se mettre tout nu là, maintenant, ben on se met tout nu. Oui, ah, ok. Oui. Personne ? Non. Ok, bon. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale, une journée spéciale, la journée de la musique métal. Ah. Le métal. Ah oui, bien ça, toi. D'accord. Ah bah, j'aime bien ça. Pourquoi ? Il y a des trucs très violents quand même dans le métal. Ouais. Ouais. Il y a des trucs plus doux. Mais il y a un truc pour connaître 2-3 personnes qui aiment vraiment le métal, c'est qu'il ne faut jamais plaisanter sur le métal. Ah, si tu dis à quelqu'un qui aime le métal, ouais, c'est un peu de la musique quand même sauvage, ah là, il te défonce la tête. Ouais. Tu sais pas de quoi tu parles, mais t'es complètement inconsciente. Ouais. C'est zéro recul. Ouais. Ouais. On peut en écouter du métal à 5h55 ? Alors, on va en écouter. Ah, parce que c'est ça aussi le club du 555. Il y a par exemple un groupe, tu vois, c'est connaissez Limp Bizkit. Ah oui, ah, qui, oui ouais. qui est un groupe qui envoie. Hein, allez, on va se faire plaisir. Ça, c'est Limp Bizkit, c'est du métal. Ah ouais. Le titre s'appelle Eat You Alive, Je te mange vivant. Mmh. Oui. Sympa, mais sympa, ce qui est bien avec les groupes de métal, c'est qu'ils te font une chanson qui s'appelle Je te mange vivant comme ça. Mais qu'aussi, ils te sortent des putains d'énormes hits. Ouais. Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Ah, gentil. Ça, c'est énorme. Ça, c'est gentil. Ah ouais. Alors, dans le club du 5-5-5, soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9, on démarre dans 3 minutes. Merci d'être là, bon réveil. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. Show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance